les Français sont attachés à la laïcité, c'est-à-dire à la séparation des Églises et de l'État. La laïcité est un principe qui est énoncé en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle institue la liberté religieuse. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Elle garantit aux croyants et non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Elle repose sur trois principes: la liberté de conscience, la liberté de culte et la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Cette séparation voulue par la République garantit l'égalité des citoyens face aux services publics, que sont par exemple les écoles, les hôpitaux, les musées. En France, les écoles publiques sont laïques depuis les lois du 28 mars 1882. Il existe aussi des écoles privées qui sont payantes.